Page 112. Activité 2. Débat. Pour ou contre la pause en cours de français ? Écoutez, puis répondez aux questions.